Okay, today I'm going to talk about the qualities of successful yogi in Pali, person with such a rare kasha is called Praniya, or who is able to accomplish the practice. Aujourd'hui, je vais vous parler des qualités du yogi qui est capable de mener sa pratique à son accomplissement. En Pali, une personne qui détient une véritable culture est appelée un Padaniya, autrement dit, quelqu'un qui est capable de mener sa pratique à son accomplissement. Une telle personne possède 5 qualités, appelées Padaniya Anga en Pali. Ces qualités vont lui permettre d'atteindre l'illumination dans cette vie même. Il y aura tout d'abord la foi, ensuite la bonne santé, l'honnêteté, l'effort et la vision des apparitions et disparitions. Voyons tout d'abord la foi. La foi, ce n'est pas la foi aveugle. C'est une foi ou une confiance associée à la compréhension. La foi ou confiance dans ce contexte veut dire la foi dans le Bouddha comme étant une personne historique qui a vécu en Inde il y a plus de 2500 ans. C'est également la foi dans le Dhamma, son enseignement, et la foi dans la Sangha, la communauté des nobles disciples, ceux qui ont suivi l'enseignement du Bouddha et qui ont atteint l'illumination. C'est également la confiance ou la foi dans la pratique. Je pense qu'il est plus important d'avoir confiance dans la pratique que dans quoi que ce soit d'autre. Car si vous ne croyez pas en ce que vous faites, si vous n'avez pas confiance dans la pratique que vous êtes occupé à mener, il est très probable que vous ne réussirez pas. La confiance dans la pratique, la confiance dans la méthode de méditation, la confiance dans les instructions qui sont données, la confiance dans le professeur sont donc très importantes. Il faudra également que vous soyez en bonne santé pour faire l'effort qui est nécessaire dans la pratique et la mener à son accomplissement. De nos jours, personne ne peut dire qu'il est sain à 100%. Vous pouvez cependant considérer que si vous avez un système digestif qui vous permet de digérer facilement la nourriture, vous pouvez vous considérer comme suffisamment sain pour la pratique. Vous ne devez donc pas être en parfaite santé. C'est donc la deuxième qualité, la bonne santé. Il est toujours recommandé de commencer la pratique quand on est jeune, car la bonne santé à cet âge va aider la pratique. Mais souvenez-vous que la bonne santé ne rime pas nécessairement avec âge. La troisième qualité, c'est l'honnêteté. Ceci veut dire que vous devriez toujours avoir le courage de révéler vos points faibles aux personnes qui mérite votre confiance, si c'est nécessaire, de façon à ce qu'ils puissent corriger vos erreurs et vous aider dans vos points faibles. Vous ne devriez jamais cacher vos faiblesses et vos défauts. Vous devriez également éviter de tromper les gens en prétendant avoir des qualités que vous n'avez pas vraiment. Imaginons par exemple qu'on vous pose des questions à propos de votre expérience au moment où vous observez les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Vous répondez en imaginant ce que le professeur aimerait vous entendre dire, ou quelque chose comme ça. Ou bien, on vous demande, êtes-vous capable de noter de façon pénétrante? Et comme vous avez peur d'être blâmé par le professeur, vous répondez « Oui, je peux le faire ». Vous cachez ainsi votre point faible, vous donner une réponse qui ne correspond pas exactement à votre expérience. C'est ce que les gens qui manquent d'honnêteté font. Il ne faudrait pas que vous vous comportiez comme cela. Vous devriez donner des réponses honnêtes et justes lorsque le professeur vous pose des questions. Il vous sera peut-être demandé si vous êtes capable de noter les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen et de synchroniser ces mouvements avec la prise de conscience. Lorsque donc le professeur vous demande si vous êtes capable de noter dans l'instant présent, il va également vous demander ce que vous expérimentez à ce moment-là. Répondez tout simplement ce que vous avez expérimenté, ce que vous avez remarqué. Il est très important d'être honnête au moment de l'entretien. C'est exactement la même chose qu'un patient et le médecin. Le médecin prescrit un médicament. Il va demander au malade de prendre ce médicament comme il l'a prescrit. Il va également lui demander s'il a eu des effets de ce médicament. Sur base des réponses que lui donne le patient, le médecin va pouvoir conseiller pour un traitement ultérieur. C'est la même chose en méditation. La relation entre le professeur et l'élève est exactement la même. Il est donc très important pour le yogi d'être honnête lorsqu'il fait rapport de ses expériences au professeur. La quatrième qualité va permettre au yogi de réussir dans sa pratique, c'est l'effort. Le yogi devra fournir un gros effort lorsqu'il pratique. Il devra noter les différents objets qui se manifestent sans aucune considération ni pour sa vie ni pour son corps. Vous devriez toujours être prêt à noter les phénomènes qui se manifestent à chaque instant dans votre corps et dans votre esprit. Vous devriez avoir l'esprit toujours très alerte de façon à ne rien rater de ce qui se manifeste. Je voudrais mentionner ici les trois types d'efforts. Un des bénéfices qu'amène la pratique de la méditation, c'est la purification du corps, la purification des paroles et la purification de l'esprit. Si on veut se débarrasser des impuretés, il faudra fournir un triple effort. Ces trois types d'efforts sont tout d'abord l'effort du démarrage, ensuite l'effort renforcé et enfin l'effort culminant. Il faudra fournir ces trois types d'efforts dans les trois entraînements, l'entraînement à la moralité, l'entraînement à la concentration et l'entraînement à la sagesse. Les personnes paresseuses se plaignent souvent au cours de la pratique intensive et il se peut même qu'ils quittent le centre avant la fin de la retraite. Ils vont ainsi perdre la possibilité de réaliser le véritable bénéfice de la pratique. Si vous ne pratiquez pas la méditation Satipatthana, vous ne comprendrez pas vraiment ce qui est bénéfique et ce qui ne l'est pas. Vous ne comprendrez pas ce qui est recommandé et ce qui ne l'est pas, ni pour vous-même, ni pour les autres. Par contre, si vous comprenez bien ces choses, vous éviterez beaucoup d'erreurs. Vous êtes venu ici avec une forte détermination à améliorer la qualité de votre vie. Vous êtes donc ici, au centre de méditation, pour cela. Il faudra donc que vous fassiez preuve de ce triple effort, un effort héroïque. Il faudra fournir l'effort ardent, l'effort persistant et l'effort développé. En d'autres termes, l'effort du démarrage, l'effort renforcé et l'effort culminant. C'est comme si vous vouliez lancer un satellite et le faire échapper à l'attraction terrestre. Il faudra pour cela que les trois types d'efforts soient présents, l'effort du démarrage, l'effort soutenu et enfin l'effort culminant. De cette façon, vous pourrez vous extraire de l'attraction des impuretés. D'un point de vue pratique, vous devez pour l'instant faire de votre mieux pour être attentif à tout ce qui se manifeste à chaque instant. Votre objet primaire, c'est l'abdomen, les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen en posture assise. Et pendant la marche, ce sont les mouvements du pied. Lorsque vous notez le soulèvement de l'abdomen, par exemple, vous devriez faire de votre mieux pour observer ce phénomène du début à la fin, pendant toute la durée du processus. Et c'est la même chose lorsque vous observez le mouvement du pied pendant la marche. Imaginons que par moment, vous fassiez un réel effort dans la pratique. Par moment, vous parlez un petit peu avec d'autres yogis. Par moment, vous pensez à ceci ou à cela. Par moment, vous regardez certaines choses. Votre pratique ne peut pas alors prendre du rythme, atteindre une certaine intensité qui va vous permettre de développer les facultés spirituelles. Vous allez alors vous sentir découragé, déçu, puisque vous ne faites aucun progrès. Je voudrais donc fermement vous encourager à faire un gros effort pendant la pratique, et ceci jusqu'à la fin de la retraite. Vous devriez noter tous les objets qui se manifestent à chaque instant sans interruption. Il ne devrait y avoir aucune place pour la paresse, aucune place pour les impuretés mentales. Si vous notez ainsi sans interruption, vous allez bloquer le flux des impuretés mentales et vous allez ouvrir le chemin des choses positives. Si vous suivez ce chemin positif, vous serez très vite content de votre pratique. Dans la pratique du Dhamma, il faut noter sans interruption tout ce qui se manifeste à chaque instant pour que les facultés spirituelles puissent se développer. L'effort ardent et persistant va vous amener un renforcement de vos facultés. C'est exactement la même chose que la batterie d'une voiture. Cette batterie se recharge de moment en moment tant que la voiture roule. Plus vous faites d'efforts, plus vous renforcez vos facultés. En fournissant ainsi un effort ardent, vous allez pouvoir développer l'attention et la concentration momentanée. Ces trois facteurs, effort, attention et concentration, font partie du groupe de la concentration, Samadhi Kanda. Ce groupe va vous permettre de voir la vérité et de purifier votre esprit en le débarrassant des impuretés mentales. Si vous introduisez en vous les quatre premières qualités dont il vient d'être question, vous serez en mesure de voir apparaître et disparaître les phénomènes physiques et mentaux. Vous allez alors expérimenter la saveur du Dhamma. Cette saveur du Dhamma va vous soutenir tout au long de votre cheminement et vous mener à destination. Vous réaliserez le Dhamma. Il ne sera plus nécessaire alors d'avoir constamment l'encouragement du professeur. Vous le ferez de vous-même. Cette cinquième qualité est le résultat des quatre premières. Il est très important que vous vous examiniez vous-même pour voir si vous avez cette foi parfaite dans la pratique et dans votre propre capacité à la faire. Il est important d'avoir une foi inébranlable et très solide dans la pratique et en soi-même. Pour ce qui est de la santé, ce ne devrait pas être un problème pour vous. Vous devrez également voir si vous êtes suffisamment honnête, si vous avez une attitude honnête. Si ce n'est pas le cas, essayez d'être plus sincère vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis du professeur. Et enfin, demandez-vous si vous faites suffisamment d'efforts pour être attentif à chaque instant sans rien rater. C'est vous qui savez le mieux comment vous pratiquez. Avant d'être capable de vraiment voir les apparitions et disparitions des phénomènes, nous sommes habitués à étiqueter les objets et nous utilisons pour cela des étiquettes les mêmes que celles que nous utilisons dans la vie de tous les jours. Nous parlons par exemple du pied, du mouvement d'élévation du pied, du mouvement d'avancement du pied, du mouvement d'abaissement du pied. Nous notons soulèvement, abaissement de l'abdomen, etc. Tout cela, ce sont des noms, des étiquettes, ce sont des concepts. Au fur et à mesure de ces progrès, le pratiquant Vipassana va petit à petit comprendre la réalité ultime. Je voudrais expliquer un petit peu de quoi il s'agit, car c'est sans doute assez difficile, surtout pour ceux qui ne sont pas encore très familiers de la pratique. La réalité ultime se dit en pali paramatta. Ce mot paramatta comporte deux parties. Parama qui veut dire ultime et atta qui veut dire réalité. Si quelque chose est irréel, cela ne peut pas être considéré comme ultime. Ce qui est ultime est réel. La réalité ultime comprend quatre catégories. L'esprit ou la conscience, les facteurs mentaux comme le contact, la sensation, les phénomènes physiques et enfin la cessation des phénomènes physiques et mentaux. Ces quatre choses sont donc appelées paramatta ou réalité ultime parce qu'elles sont ce qui existe vraiment, elles sont réelles avec leurs propres caractéristiques. Le terme paramatta est également défini comme ce qui peut être expérimenté directement par soi-même. Il y a deux sortes de connaissances, la connaissance apprise et la connaissance par expérience personnelle. La connaissance que l'on acquiert par expérience personnelle est beaucoup plus fiable que la connaissance que l'on obtient par l'étude ou la lecture. Si par exemple vous fermez votre main et que vous la serriez, qu'expérimentez-vous vraiment? Vous allez observer attentivement ce point fermé et vous allez expérimenter de la tension. La tension est une caractéristique physique. Il y aura également la prise de conscience de cette tension. C'est un phénomène mental. Il y aura également une série d'intentions de fermer le poing, de serrer le poing. De nouveau, c'est l'esprit. Si vous serrez encore plus votre poing, il va devenir de plus en plus tendu. La première sensation de tension n'est pas la même que la seconde, et la seconde n'est pas la même que la troisième. Si vous êtes très concentré sur tout cela, vous verrez les changements au niveau de la tension. À cause de cette tension au niveau du poing, vous allez ressentir de la chaleur et de l'inconfort. Vous verrez alors apparaître dans votre esprit le désir de relâcher cette tension. C'est un phénomène mental. Lorsque vous ouvrez la main, la tension va disparaître immédiatement. En notant ainsi, chaque fois que vous ouvrez et que vous fermez la main, vous allez pouvoir comprendre ces phénomènes physiques et mentaux par expérience directe. Ils sont appelés paramatta, réalité ultime, parce que vous pouvez les expérimenter directement par vous-même. Si vous voulez voir la réalité ultime, les phénomènes ultimes, il est très important d'observer les objets au moment précis où ils se manifestent. Si vous ne faites pas cela, vous ne pourrez même pas voir leur forme, vous ne pourrez pas non plus voir leur manière, vous ne pourrez pas non plus voir des sensations de tension, de dureté, de raideur, d'inconfort, de chaleur, qui sont elles paramatta. Je voudrais vous donner un exemple pour que vous compreniez bien la différence entre les objets conceptuels, paññatti, et les phénomènes ultimes paramatta. Imaginons une colonne de fourmis noires. Si vous regardez de loin, vous ne la verrez peut-être même pas. Vous vous rapprochez de cette colonne et vous voyez quelque chose qui ressemble à une ligne noire. Cette étiquette ligne noire est une espèce de concept, nama panyati. Et l'idée que vous vous faites de cette ligne noire est également un concept, samuha panyati. La forme de la ligne est un concept, c'est le concept de la forme, santana panyati. Vous allez vous rapprocher encore un petit peu de cette colonne de fourmis et vous commencez à voir que cela bouge. Vous vous rapprochez encore et cette fois vous voyez qu'il s'agit de fourmis individuelles. Vous ne voyez plus cette colonne comme quelque chose de solide. Le concept de solidité et le concept de la forme ont disparu. Au début de la pratique, c'est surtout la forme conceptuelle et la manière qui seront très claires. Vous ne verrez peut-être même pas les phénomènes de la réalité ultime qui se trouvent à l'intérieur de ces choses. Vous allez noter les mouvements de soulèvement, d'abaissement, et vous voyez uniquement la forme, ou éventuellement la manière ou le mouvement. Parfois, il est même possible que vous étiquetiez le phénomène sans rien voir de substantiel. Petit à petit, votre effort, votre concentration et votre attention se développent et vous devenez capable de voir les phénomènes de la réalité qui se trouvent au-delà du concept, de la forme et de la manière. Il y a une expression qui dit ceci: lorsque le concept apparaît, la réalité ultime s'estompe. Lorsque la réalité ultime apparaît, le concept s'estompe. En conclusion, si vous faites l'effort de noter les différents objets qui se manifestent à chaque instant et que vous les notez sans interruption, vous allez développer l'attention et la concentration. À l'aide de ces trois instruments, vous deviendrez petit à petit capable de voir les phénomènes de la réalité en termes de raideur, tension, etc. Cette réalité ultime se trouve à l'intérieur du concept, de la forme ou de la manière. Vous verrez alors très clairement les phénomènes qui apparaissent et disparaissent à tout moment. Si donc vous voulez voir la véritable caractéristique des objets, comme par exemple le soulèvement et l'abaissement de l'abdomen, vous devez les noter sans interruption au moment précis où ils apparaissent. That's all for today. So, may you practice Satipatthana meditation with the religions and able to differentiate the pramatha or absolute reality and vinyati or concept. Finally, reach Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu.